BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut Danny. David, en fin de semaine, c'est le début du hockey doublette pour la plupart des équipes. Oui, oui, Danny, en fin de semaine, c'est le pour les équipes Pee-Wee 2B, les Rapides, ça commence en fin de semaine, okay. La saison régulière. Il y a un match local samedi à 14h à l'Arena Mistassini. Ouais. Pour ce qui est des Rapides, Bantam 2B, la saison commence en fin de semaine aussi. Okay. Ils ont un match local dimanche à Mistassini à 2h. Okay. Après ça, Midget 2B, ça commence vendredi soir à Dolbeau. Deux matchs locaux en fin de semaine. OK. Vendredi soir à 21h, dimanche soir à 19h. On invite les gens à venir encourager nos équipes. Okay. La saison commence en fin de semaine. Ouais. On a quand même eu des beaux camps d'entraînement. Puis des équipes, les matchs pré-saison, ça a quand même bien été. Ça promet pour la saison. Ben oui. Hey, dis-moi, les Rapides de Bantam, c'est eux autres qui sont dit qu'ils sont les plus hypothéqués du hockey scolaire à Robertval. C'est-tu le cas? Oui, ben oui, mais quand même, on a quand même récupéré deux joueurs de Robertval Saint-Félicien. OK. Je te dirais que ça va quand même être une belle équipe. Ça a très bien été dans les matchs pré-saison. Ça promet pour la saison. C'est les Hurricanes de Massouillard, c'est la surprise générale qu'il n'y a pas d'équipe. Hein? Ça, c'est... Ouais, il n'y a pas d'équipe. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, ça. Écoute, c'est l'équipe... c'est une équipe année après année qui performait beaucoup. C'est sûr que le hockey scolaire a ouais. eu beaucoup, là, pour... Effectivement. Là, je veux pas, c'est plus dans leur secteur. OK. Parle-moi du côté maintenant des tournois. Ça s'en vient bientôt. Oui, il y a le tournoi Bantam qui s'en vient. C'est notre premier tournoi, la fin de semaine du 13 au 18. Après ça, la semaine suivante, c'est le tournoi Atome Pee-Wee. Je sais que les deux comités de tournoi ont besoin de bénévoles, donc j'invite les parents. Qui est le président cette année, hein? Parce que je suis au bon niveau Bantam, parce que je sais que Pierre-Luc se retirait. Au Bantam, il n'y a pas de président de nommé pour l'instant. Okay. Le comité est formé. Mais il n'y a pas de président encore de nommé, je pense. OK. Pour ce qui est à ton je sais pas non plus le qui est le président. Je sais que c'est Julie Simard qui est encore responsable des inscriptions et tout. Mais c'est ça. Je sais que les comités sont en train de comment dire, les premières rencontres sont faites, les équipes, les inscriptions commencent, c'est décollé, mais pour ce qui est des présidents, je peux pas te répondre exactement. Il manque-tu beaucoup de bénévoles? Oui, c'est sûr que veux pas, chaque année, c'est comme un recommencement. Ouais. Veux pas, c'est sûr que s'il y a des personnes intéressées de bénévoles, regarde, le communiqué de l'hockey mineur, ça va, toutes les personnes sont bienvenues. OK. Donc, on s'en reparle, ça fait pas mal de temps cette semaine, on s'en reparle jeudi, quelque part la semaine prochaine. On s'en reparle la semaine prochaine, pour ce qui est des équipes Saint-Paulette, ça va commencer au courant des semaines prochaines aussi. Ben oui. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. OK. Donc voilà, c'était le président du hockey mineur, David Lamontagne.